Baba, si Baba, Baba c'est un verre sur ma vie. Si Baba, si Baba, Baba si tu connaissais ma vie. Oh Baba, tu sais avec des si, j'aurais pas refait le monde, je t'aurais juste remis dans ma vie. Même quand la salle est pleine, sans toi mon cœur est vide. Les mauvais ont des vides pour pas rentrer dans un délire. Tu sais avec mes sons, je cache ma dépression. Quand je touche le fond, je masse mes expressions. Tous mes sourires sont photos, réessuie mes jours. Comprends le poids des mots, plus t'entends ça pèse lourd. Si tu savais, c'est dur à vivre, mais on vit avec Baba. Si tu savais, tu nous as tout appris, sauf à vivre sans toi. Si Baba, si Baba, Baba, si t'avais laissé ma vie. Si Baba, si Baba, Baba, si tu connaissais ma vie. J'aimerais tellement que tu vois comment, malgré l'acharnement, comment je gère ton absence. J'aimerais tellement que tu vois comment, malgré le regard des gens, j'avance malgré ton absence. Tu m'as appris à être un homme, à porter le monde quand il s'écroule, à ne pas être économe quand il s'agit d'amour, d'avoir le cœur à l'écoute quand il s'agit de la famille. Tu m'as appris à être un éléphant quand les grands de ce monde nous prennent pour des fourmis. J'ai promis de te ressembler, mais je t'avoue que des fois je fais pas le job. Quand la vie me dit de porter ce que tu as porté en étant noble, la tête haute. Face au flash de leur tapis rouge, j'essaye de t'honorer. Que tu sois fier là où tu te trouves, Baba. Si tu savais, c'est dur à vivre, mais on vit avec Baba. Si tu savais, tu nous as tout appris, sauf à vivre sans toi. Si Baba, si Baba, Baba, si t'avais laissé ma vie. Si Baba, si Baba, Baba, si tu connaissais ma vie. J'aimerais tellement que tu vois comment, malgré l'acharnement, comment je gère ton absence. J'aimerais tellement que tu vois comment, malgré le regard des gens, j'avance malgré ton absence. J'avance malgré ton absence. J'avance malgré ton absence. J'avance malgré ton absence. J'avance malgré ton absence. J'avance malgré ton absence.